Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui vous manque. J'y sais que dans la ligne de Bruxelles. Ahmed Bakayoko et toi, il est facile. Quel film? Quel danseur? Chantal Olma. Vincent Gomez. Yves Dembélé.